Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. Accordéon parade, plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches entre 9h et 10h. Une émission pour les mordus du musette et une émission qui vous est proposée par Michel. Une émission 100% musette sur la bande FM. Auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour. Alors les valseurs. Et pour commencer cette émission, eh bien, j'ai fait appel à un sympathique jeune homme. On dit que c'est le Mimile Prudhomme de l'accordéon. Non, c'est pas Mimile Prudhomme. Il a peut-être un petit quelque chose de Mimile Prudhomme, la gouaille, mais je crois pas qu'il a le doigté de Mimile Prudhomme. On écoute quand même ce sympathique jeune homme. C'est Pascal Michaud. Thank you. Olé! Et merci à André Verschuren de nous avoir interprété un de ses grands succès, Escamillo. Maintenant, on va écouter un sympathique jeune homme, il est tout jeune, il a peut-être 20, allez, on va dire 28 ans. Il s'appelle Gilbert Cédric et il va nous interpréter une valse, un classique de la valse des As, bien joué par ce sympathique jeune homme, Cédric Gilbert. Et ça tourne toujours avec Raymond Boisserie qui nous interprète une valse à composition. I'm gonna go get some more. Eh bien oui, nous sommes partis dans un tourbillon nostalgique et c'était Monsieur Raymond Boissery. Et ah, pardon, Monsieur Mimile Prudhomme, vous voulez présenter le morceau? Eh bien, Monsieur Mimile, vous pouvez y aller. Mimile Prudhomme va nous présenter le morceau qu'il va nous jouer. Ah bah celle-là, hein. Qu'est-ce qu'on a pu me la demander de fois dans la vie? Oui. Je l'ai joué et je la joue toujours. Oh. Et qu'est-ce que c'est? Les Berlouses. Oh, la perle de cristal. Ça y est, en effet. Ah, perle de cristal. Thank you. Merci à Pierre-André qui vient de nous faire danser la gigue de Tulle. Et la gigue, ça se danse avec des chapeaux noirs et des bonnets blancs. Lulu Charleux. Chapeau de la vieille France, formez la ronde, prenez la cadence d'hier et toujours. Bonnet que parfois on lance comme une fronde, entrez dans la danse, voici votre tour. Tournez bonnet de dentelle comme le temps qui court. Chapeau, vous avez des ailes, les ailes de l'amour. Chapeau noir et vous blanc bonnet, vous êtes bien fait pour coiffer nos têtes. Chapeau noir et vous blanc bonnet, on vous gardera, je vous le promets. C'est bien Accordéon Parade que vous écoutez, une émission que vous propose, que vous présente Michel tous les dimanches. Entre 9h et 10h sur les 91 MHz de votre radio sympathique Sorgi FM. Auditrice, auditeur de Sorgi FM, ami de l'accordéon, ami du musette. Bonjour ou rebonjour. Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Bien sûr, le bonjour de l'accordéon. C'est une émission 100% musette pour les mordus du dépliant. Et à toute fin utile, je vous rappelle que l'accordéoniste qui joue en ce moment, c'est le fils du créateur d'accordéon musette. C'est le fils d'Albert Huard. Et il s'appelle Albert Huard Junior. Voilà, Junior, faut pas l'oublier. Et dans une prochaine émission, je vous proposerai Accordéon Parade par le papa Albert Huard. Et on va continuer Accordéon Parade avec un sympathique jeune homme qui est tout jeune, c'est Vincent, Vincent Carandi, qui va nous interpréter un tango. Rita Tango, Vincent Carandi. Elle va chanter dans les bars Adios Dolores, je n'ai pas ce se. On croise les doigts dans l'hacienda. Adios Dolores, chère princesse, quelle tristesse. Adios Dolores, adios. Merci à Jérôme Robert qui vient de nous interpréter Adios Dolores. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et Mio. Thank you. Merci à ce sympathique Emilio qui nous a interprété un morceau de son pays, le Portugal. Et on va continuer avec un garçon qui vient du pays, enfin qui vient d'Aix-les-Bains, c'est Fabrice, Fabrice Peluso. Le Passo des Catalans. C'est la plus chouette, dans tes grands yeux clairs, déjà l'amour fait risette. Toute la journée je t'ai serré dans mes bras, c'est terminé, on sera bien dans nos draps. C'est la dernière, on va fermer la guinguette, pour aller de travers, faut-il que j'ai le cœur en goguette. Et dans la nuit, tranquillement, on s'en va, la tête à l'envers, en sifflant la dernière. Hey! C'est la dernière. plus chouette dans tes grands yeux clairs. Déjà l'amour fait risette. C'est la on va fermer la guinguette pour aller de travers. Faut-il que j'ai le cœur en goguette? Merci, merci à Guy Bardet qui vient de nous interpréter une java, la der des der. Et bien maintenant, une petite valse de Joseph Colombo, Frivolité. Merci à Gino Fino Charo qui vient de nous interpréter une merveilleuse valse qui nous vient du Tyrol. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Dorothée Loire qui vient nous interpréter El Camello, un passodoble de sa composition. Et on va toujours continuer avec un gars du Nord, c'est Jean-Paul Doutriau qui va nous interpréter une merveilleuse valse. Et oui, il est un coin de France. Il est un coin de France. Thank you. Et puis, je ne vais pas vous quitter comme ça ce dimanche matin. Sans vous dire un grand, grand merci à vous, auditrices, auditeurs de Sojia FM, à vous qui m'avez écouté pendant longtemps, longtemps, longtemps. Merci encore une fois. C'est fou comme on les aime, ces chansons éternelles qui animent le bas. Et puis, c'est bien sûr Jérôme Robert qui interprète cette merveilleuse valse. Merci. Le final, on a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. C'est fou comme on les aime, ces chansons éternelles qui animent le bal. Devant vous, maintenant, dans un refrain chantant, on retrouve ces années, ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci pour l'amour et la joie dans le cœur. Merci, c'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour, dans un mois, dans un an. Qu'importe le temps, ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à vous que l'accordéon vibra longtemps. On vous dit merci, à bientôt, très bientôt sûrement. Et oui, un grand merci à vos auditrices, auditeurs de Sojia FM. Et à bientôt pour une autre émission d'Accordéon. C'était Accordéon Parade, une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche. Alors les valseurs ! Eh bien, les valseurs vont aller se reposer. Merci d'avoir participé en dansant à cette émission. Passez un bon dimanche, une bonne semaine, de bonnes vacances. Et à bientôt sous les 91-91 MHz de votre radio sympathique sur GFM. Bonnes vacances et bye bye! Et à toute fin utile, je vous rappelle que l'émission a été programmée, présentée par Michel. Également, c'était Michel qui était à la technique. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est dimanche. Et le dimanche, sur les 91 MHz de Sorgia FM, on écoute Michel. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci d'être avec moi ce dimanche sur votre radio sympathique. Comme tous les dimanches, c'est l'ambiance. Et si vous êtes en vacances, eh bien je vous souhaite de bonnes vacances. Et qu'elles durent longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps. Pour commencer cette émission, eh bien, on va écouter un grand succès des années 73, je crois, et vous allez voir, ça swing. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. We love people, we love daddy, we love mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, alright, da da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. When the sun goes down, you can make it good and live by. but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the life we're living, yeah, that's our philosophy. Ce n'est rien qu'une chanson qui revient quelquefois, rien qu'un sourire en souvenir d'un garçon d'autrefois. Quand mes jours sont gris, qu'il neige sur ma vie, il revient dans ma mémoire. Au lycée français, le soir il m'attendait, il souriait, Nicolas. Un quai qui pleurait, il a neigé beaucoup de pluie sur la barre, sur Paris, et il ne sait rien de moi et de ma vie, ce que je fais, qui je suis. Il ne connaît pas l'autre Marita, il garde la vraie là-bas. Merci à Sylvie Vartan qui vient de nous interpréter Nicolas. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer,

sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. C'était Paolo Conte qui vient nous interpréter Azzurro. Allez, viens, viens, viens, on est bien, bien, bien, du côté où la vie se balance. Ce rendez-vous, plus on est de fous, plus tout le reste est sans importance. Allez, viens, viens, viens, on est bien, bien, bien, un peu comme au soleil des vacances. Surtout ne te pose plus de questions, ce soir c'est la grande évasion. Les Caraïbes, elles sont à la maison quand on rêve sur ce genre de rythmique. On pourrait croire que ce soir nous dansons sur du sable chaud dans le salon. Les Caraïbes, elles sont à la maison, il suffit d'un petit peu d'imagination. Du citron vert, du rhum blanc, des belles filles. Et nous voyageons dans les îles. Allez, viens, viens, viens, on est bien, bien, bien. Dépêche-toi de venir dans la danse. Avec ce tempo, toi aussi bientôt, toi aussi tu l'auras ta revanche. Allez, viens, viens, viens, on est bien, bien, bien. La musique nous emmène en vacances. En haut d'une tour au 20e étage, ce soir on s'invente une plage. Les Caraïbes, elles sont à la maison quand on rêve sur ce genre de rythmique. On pourrait croire que ce soir nous dansons sur du sable chaud dans le salon. Les Caraïbes, elles sont à la maison. Du citron vert, du rhum blanc, des belles filles. Et nous voyageons. voyageons dans les îles. Thank you. Et voilà, eh bien nous étions au Tyrol avec un sympathique groupe tyrolien. Et bien maintenant, après le Tyrol, si on allait faire un petit tour du côté de Broadway avec Michel Sardou. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Y el tronío, la guapesa y la solera, y el embrujo de una noche sevillana. No lo cambio por la gracia cotijera y el trapeo de mi jaca jerezana. A su grupa voy lo mismo que un una reina, mamá mía, y que con espuela de diamante a los pies, que lo hiciera por corona y como peina, que lo hiciera por corona y como peina, la maestra de un sombrero cordobés. Mi caca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminín. Hey, hey. Todo de Jerez, la quiero lo mismito que a un gitano que me está dando tormento, que por culpita de un querer. Mi caca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminín. De mi aca jerezana voy me siento mi artanera y orgullosa como merced el aire por mi ventana, los enarios, los claveles y la romosa a su paso con el polvo de sendero cuando trota para mí forma un altar que ilumina de que ilumina el resplandor de mi luz en el mamadero y que alfombra la ilusión de mi cantar. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez, la quiero lo mimito que anita me está dando tormento, que por culpita de un querer. Mi caca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminí. On a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. C'est tout comme on les aime, ces chansons éternelles qui animent le bal. Devant vous maintenant, dans un refrain chantant, on retrouve ces années, ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci. Merci pour l'amour. Et oui, merci auditrice, auditeur de Sorgia FM de m'avoir écouté ce dimanche encore. C'est toujours un instant de bonheur. Et le bonheur, eh bien ma foi, c'est avec les vacances, je pense. Dans un jour, dans un mois, dans un an, qu'importe le temps, ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à vous que l'accordéon vivra longtemps. On vous dit merci, à bientôt, très bientôt sûrement. Je pense que vous avez passé un agréable dimanche. Dans quelques instants, je vais vous quitter. Merci. Merci, merci d'avoir été avec moi tout ce temps sur les 91-91 MHz de Sorgia FM. Merci. C'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour, dans un mois, dans un an. Qu'importe le temps.